inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit in corruption. Amen. Deshalb sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche, nicht die Unverweslichkeit. Et ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. It means the natural l'incorruptibilité. Praise the Lord. Hallelujah. It means the natural man can do nothing in the spiritual world. Das heißt, der natürliche Mensch kann nichts in der geistlichen Welt vollbringen. Ça veut dire que l'homme naturel ne peut rien faire dans le monde spirituel. Amen. Amen. They cannot obey the spiritual laws. Sie können die geistlichen Gebote von Gott nicht erfüllen. Ils sont pas capables à suivre, à obéir la loi naturelle, non la loi spirituelle de Dieu. One thing with the old law is that you must obey all, and not one out of ten, or even nine out of ten. You must obey all. Die Sache bei dem alten Gesetz ist, dass du dir nicht einfach nur ein, zwei aussuchen kannst, die du ganz nett findest und diese erfüllst und durchkommst, sondern du musst alle erfüllen, weil wenn du eins missachtest, bist du in allen schuldig gesprochen. Et le problème qu'il y avait dans l'ancienne alliance, avec l'ancienne loi, avec les anciens commandements, c'est que tu dois obéir à tous les commandements et tu dois suivre tous les commandements. Il y a pas que tu peux pas choisir certains commandements que tu vas obéir et les autres que tu vas laisser. Non. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jacques. Ok. On va lire Jacques. James 2, please. Jakobus 2. Jacques 2. Vers 10. Verset 10. You see that? That's why the old law, to obey it is dangerous. Deswegen ist es gefährlich, das alte Gesetz zu befolgen zu wollen. Glaube lieber einfach nur an Christus. Ici on peut voir pourquoi c'est si important de seulement croire en Jésus-Christ et pas suivre les anciens commandements. Amen. Amen. Because no one. Niemand kann es erfüllen. Encore une fois, parce que personne ne peut l'accomplir. He said, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Amen. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Look at verse 9. Verset 9. If you have respect to persons, you commit sin and are convinced of the law of transgressor. If you have respect for a person, because this man is a man or woman or white or black or old or young or your father, your mother, if you have respect because of the flesh, you commit sin. Dann begehst du Sünde damit. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Praise the Lord. Donc on doit pas respecter l'homme à cause de son statut. Donc je respecte cette personne parce que c'est mon père, je respecte cette personne parce que c'est une personne âgée ou c'est un enfant ou quoi que ce soit. Si ce respect n'est pas basé sur Jésus-Christ, on commet un péché. Praise the Lord. Okay. Again, both laws are spiritual. Beide Gesetze sind geistlich. Encore une fois, les deux lois sont spirituelles. Let's go to 1 Corinthians 2, please. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. First Corinthians 2, verse 14. 1 Corinthians 2, verse 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Praise the Lord. Alléluia. It's about the natural man. I thank the Lord that I am not a natural man. Ich danke dem Herrn, dass ich kein natürlicher Mensch mehr bin. Je remercie l'Éternel que je ne suis plus un homme naturel. Praise the Lord. Hallelujah. I thank him that I am not a supernatural man. Ich danke ihm, dass ich jetzt ein übernatürlicher Mensch bin. Je remercie l'Éternel car je suis maintenant à travers lui un homme surnaturel. Amen. Amen. Amen. But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Are we getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. The natural man will see the good of this world. How you help the poor. You die for the poor. You go to Russia, you go to Ukraine and go and be fighting for Russia or fighting for Ukraine. Or you, are you getting it? Mm-hmm. You know, the good, what they call good, feeding the poor. Mm-hmm. Be there for the poor. He said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Natural man can only understand natural things. Der natürliche Mensch kann nur die natürlichen Dinge verstehen und deswegen wird er denken, dass die Werke dieser Welt gut sind und genügen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel ne va jamais comprendre les choses du monde spirituel. C'est pour ça, si tu veux faire le bien de ce monde, c'est pour ça que... Non, faire le bien de ce monde est mauvais parce que le bien de ce monde n'est pas le bien de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. The natural man can only understand what this world calls good. Der natürliche Mensch kann nur verstehen, was diese Welt gut nennt, nicht das, was der Himmel gut nennt. L'homme naturel peut seulement comprendre ce que le monde appelle bon, mais pas ce que le royaume des cieux appelle bon. The natural man can only understand what this world calls death. And not what heaven called it. Der natürliche Mensch kann verstehen, was der Mensch tot nennt, aber nicht was der Himmel tot nennt. Tout comme l'homme naturel, l'homme animal, va seulement comprendre la définition de la mort de ce monde, mais pas celle du monde spirituel, du royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. The natural man can only understand the system of this world and not the system of the kingdom of heaven. Der natürliche Mensch kann nur das System dieser Welt verstehen, nicht das System des Himmels. L'homme animal peut seulement comprendre le système de ce monde et pas le système du royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. Again, all the laws of God are spiritual. All die Gesetze von Gott sind geistlich. Encore une fois, toutes les lois de Dieu sont spirituelles. But remember, Satan is also a spirit. Aber erinnert euch daran, Satan ist auch ein Geist. Mais rappelez-vous que le diable, Satan, est aussi un esprit. Praise the Lord. Alléluia. Remember, you know, Ephesians 6, verse 12. Let's go to Ephesians 6. Ephesians 6, verset 12. Praise the Lord. Alléluia. Ephesians 6. Amen. Amen. Let's just read from verse 10 and not 12 alone. Amen. From 10 to 12. Ephésiens 6, verset 10. On va dire Ephésiens 6, de 10 à 12. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. The wise, his lies. His lies are everywhere. Seine Lügen sind überall. Yeah, you know, they are everywhere, including churches. Sie sind überall, auch in Gemeinden. On peut voir que les mensonges du diable sont partout. Il est rusé. Donc, et ces mensonges sont partout, même dans les églises. Praise the Lord. Amen. He said, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Praise the Lord. Yeah. Satan is also a spirit. Ja, Satan ist auch ein Geist. Satan est aussi un esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the Bible also called Christ the head of all principalities and power. Die Bibel nennt Christus auch den Kopf aller Gewalten. Colossians 2, please. Quickly go there. Et la Bible appelle aussi le Christ la tête de toute domination et autorité. Praise the Lord. Colossians 2. Colossians 2. Verse 10. Verset 10. Amen. Amen. Oh, let me see. 9 and 10. 9 and 10. So that we understand it better. Amen. Colossians 2, verset 9 et 10. Yeah, it's talking about Christ Jesus. Amen. Hier geht es um Christus Jesus. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. He said, for here dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. For you are complete in him. You, believers, God's children, you and me, we are complete in him. Du und ich, wir sind vollkommen in ihm. Toi et moi, nous sommes car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous savez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Which is the head of all principalities and powers. The head. But he also with Ephesians, we read Ephesians, he also called Satan principalities and power. But here he said the head. Ici, il est écrit qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais dans Éphésiens 6:10, on a vu que le diable est aussi appelé autorité et domination. Voilà. Praise the Lord. Halt wie auch den Satan eine Herrschaft und eine Gewalt, aber hier sagt er ganz klar, dass er das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. Das heißt, er steht über dem Satan. Ça donc, ça nous fait voir qu'il est au-dessus du diable. Praise the Lord. The spiritual world controls the physical world. Die geistliche Welt kontrolliert die physische. Le monde spirituel contrôle le monde naturel. Amen. Amen. And that's why whatever control here is either Christ or Satan. Was immer hier diesen Ort kontrolliert, ist entweder Christus oder Satan. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours soit le diable ou le Christ lui-même qui contrôle. Ce monde. It's not man that controls here. Nicht der Mensch kontrolliert die Welt hier. C'est pas l'homme qui contrôle le monde. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. We just read. He said, "We wrestle not against flesh and blood. Wir we don't wrestle against people, but Satan." So gegen Satan. The people are not the enemy, but Satan is the enemy. Nicht die Menschen sind das sind der Feind, sondern der Satan. On a lu que c'est pas l'homme qui est notre adversaire, mais c'est le diable, parce qu'on se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. Praise the Lord. Hallelujah. In the natural world, are God's laws everywhere. In der natürlichen Welt sind Gottes Gesetze überall zu sehen. Dans le monde naturel, on peut voir partout les lois de l'Éternel. And now these laws control everything here naturally. Und all diese Gesetze kontrollieren hier alles. They control here. Et toutes ces lois contrôlent ce monde. But remember who we are. Aber erinnert euch daran, wer wir sind. Mais rappelez-vous de votre identité. We are supernatural, not natural. Wir sind übernatürlich und nicht natürlich, wenn wir zu Christus Jesus gehören. Parce que on est surnaturel et pas naturel parce que on appartient au Christ. Si on appartient au Christ. The natural law can only work for the natural people. Das natürliche Gesetz kann nur für die natürlichen Leute funktionieren. Donc les lois naturelles peuvent seulement fonctionner pour des êtres naturels. There are two people on earth here. Es gibt zwei Menschen auf Erden hier. Il y a deux hommes ici sur Terre. The natural people and the supernatural people. Die natürlichen Leute und übernatürlichen Leute. L'homme naturel et l'homme surnaturel. The natural people, the natural laws control them. Die natürlichen Leute werden von den natürlichen Gesetzen kontrolliert. L'homme naturel est contrôlé par par les lois naturelles. But for the supernatural people. Ah, für die übernatürlichen Menschen. Christ's law. I'm talking about the super because Satan have his own supernatural people. Denn der Satan hat seine eigenen übernatürlichen Menschen. Mais pour les gens surnaturels qui appartiennent au Christ, c'est la loi du Christ qui compte. Mais je parle pas des gens surnaturels qui appartiennent au diable. Parce que le diable aussi, il a ses propres personnes surnaturelles. If you not belong to Christ, wenn du zu Christus Jesus gehörst, si tu appartiens au Christ, you are no longer natural, you are supernatural. Tu es nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. Tu n'es plus une personne naturelle, mais surnaturelle. I mean, if you not have a change in your spirit, if Christ is now in inside you, wenn du eine Veränderung in deinem Geist hast, your soul lives inside you. Wenn Christus in dir wohnt, you are no longer natural. Dir dessen bewusst bist, dann bist du nicht mehr natürlich. Donc s'il y a un changement dans ton esprit, si le Christ est maintenant dans ton esprit, tu n'es plus une personne naturelle, mais surnaturelle. It means you are opposite here. Das heißt, du bist nicht mehr, du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Ça veut dire que tu n'appartiens plus à ce monde, tu es maintenant opposé à ce monde. That's why Christ said you are in this world but not of this world. Deswegen sagt Christus, du bist auf dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Et c'est la raison pour laquelle le Christ nous dit que tu es dans ce monde mais pas de ce monde. And that's why their laws can never work for you. Und deswegen können ihre Gesetze bei dir nicht funktionieren. Et c'est la raison pour laquelle leur loi, leur système ne fonctionne plus pour toi. Their laws are not for us. Denn ihre Gesetze nicht für uns. Parce que leurs lois ne sont plus pour nous. We are not German citizens. Wir sind keine deutschen Staatsbürger. Nous sommes pas des citoyens allemands. What African we love to be. Was Afrikaner so sehr lieben und wonach sie so German sehr citizen. Streben, deutsche Staatsbürger zu sein. Ce que peut-être une personne en Afrique veut être, nous ne le sommes plus. We are citizens of the kingdom of heaven. Wir sind Bürger des Königreichs des Himmels. Nous sommes maintenant des citoyens du royaume des cieux. On va lire Ephésiens 2. Praise the Lord. Ephésiens 2. Ephésiens 2. Verse 19. Verset 19. Praise the Lord. Alléluia. He said, now therefore, you are no more strangers. Praise the Lord. Hallelujah. You are no more strangers for the kingdom of heaven. I'm foreigners. Nous sommes, are you getting it? Nous sommes tous des étrangers dans le royaume des cieux. I'm foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. That's why here we don't have members, we have citizens. Sie haben hier keine Mitglieder, sondern nur Bürger am Königreich des Himmels. C'est la raison pour laquelle ici on n'a pas de membres, mais plutôt des citoyens du royaume des cieux. Praise the Lord. Alleluia. Let us belong to that kingdom. Lasst uns bitte zu diesem Königreich gehören. Für das Jesus Christus gekommen ist und uns offenbart hat. On doit vraiment être des citoyens de ce royaume que Jésus-Christ nous a ramené. It's a repair for the kingdom of heaven is at hand. Wir sollen Buße tun, denn das Königreich des Himmels ist nah. Amen. Amen. On doit faire, faire se repentir parce que le royaume des cieux est prêt. Amen. Amen. He did not say repent for religion is at hand. Er hat nicht gesagt, Buße in Religion ist da. The kingdom of heaven. Sondern das Königreich des Himmels. Il ne s'est pas dit de se repentir parce que la religion est prêt. Non, parce que le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Remember, it was the beginning of his ministry. That's good. Es war der Anfang seiner I love that Gemeinde. Matthäus 4. Praise the Lord. Hallelujah. On va lire Matthieu 4. Rappelez-vous, c'était le commencement de son église. Amen. Praise the Lord. Matthieu 4. Matthieu 4, 17. Matthäus 4, Vers 17. Matthieu 4, verset 17. Are we there, please? Yeah. He said, from that time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. A country is about to come. Ein Land ist im Anmarsch. Un nouveau pays est proche. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are too used to this world. We are too used to this world. Wir sind zu gewöhnt an diese Welt. Nous sommes trop habitués à ce monde. We are too used to their system. Wir sind zu sehr an deren System gewöhnt. On est trop habitués à leur système. Amen. And that's why to go out of it is a big task. Deswegen da rauszukommen ist eine große Aufgabe. Et c'est la raison pour laquelle sortir de ce système est si difficile. Look at Jesus when he was here. Schaut euch Jesus an, als er hier war. Jésus-Christ, par exemple, quand il était ici sur terre. Amen. Amen. He was going to feed the poor. Er sollte die After armen. 3 days, we were just preaching today. He did not go and borrow bread. Amen. The little he had was enough. Er sollte seine Zuhörer satt machen, sozusagen. Und sie waren so zahlreich, aber das Kleine, was er hatte, hat gereicht. Er hat nicht gearbeitet, um es zu bekommen oder einen Kredit auf sich genommen, um es zu bekommen, sondern er hat einfach das Kleine, was er hatte, gesegnet und hat es vermehrt, hat in den Himmel geschaut. Jésus-Christ, par exemple, quand après avoir prêché pendant 3 ans, il devait nourrir les personnes à qui il a donné la parole et à qui il a enseigné, mais il a seulement multiplié le peu qu'il avait. Il n'est pas parti pour emprunter de l'argent ou alors trouver quelqu'un qui va lui ramener du blé ou du pain ou quoi que ce soit. Non, il a regardé vers le ciel, il a béni la nourriture, il a multiplié ce qu'il avait. A little boss meal was enough for thousands. Das Essen, das Mittagessen eines kleinen Jungs hat gereicht für tausende von Menschen. La nourriture qui était prévue pour un petit garçon a été suffisante pour plus de milliers de personnes. But Jesus was different. Christus Jesus war einfach anders. Jésus-Christ est différent, a été aussi différent. Just look or think of everything of him. Schau dir alles an von ihm. Si tu vois toutes ces œuvres, everything he came to teach us, alles was er uns beigebracht hat, tout ce qu'il nous a enseigné ou qui est venu pour enseigner, amen. We were once like them. Wir waren einst so wie sie. On était comme eux. Il fut un temps, on était comme we eux. We walked like them. Wir haben so wie sie gearbeitet. On a travaillé comme eux. Let's go to Ephesians 5. Ephesians 5. But now, aber jetzt, we should no longer do. On a travaillé comme le monde, mais maintenant on travaille plus comme le monde, on pense plus comme le monde. On va dire Ephésiens 5. Praise the Lord. Who we are pastoring? Ephesians 5. Ephesians 5. Vers 8. Ephesians 5, Vers 8. Praise the Lord. Susie, can you push that? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for you, we are sometimes darkness. We were sometimes darkness. Wir waren einst Finsternis. That was the old man. Das war der alte Mensch. Autrefois, nous étions ténèbres. C'était l'ancien homme. Mais maintenant. Amen. But now, are you light? Jetzt sind wir Licht. Mais maintenant, nous sommes la lumière dans walk le Seigneur. As children of light. Handelt als Kinder des Lichts. Let us learn to walk like children of light. See like children of light. Wie Kinder des Lichts. On doit réellement apprendre à marcher comme les enfants de lumière, penser comme les enfants de lumière. Amen. Amen. Take decision like the children of light. Amen. Trifft Entscheidungen wie die Kinder des Lichts. Et prendre décision comme les enfants de lumière. Amen. Amen. Let's go to 1 John 4. I want to show you something. 1 John 4. 1 Jean 4. Amen. Amen. 1 John 4, verse 6. 1 Jean 4, verse 6. Praise the Lord. Hallelujah. You know how to know them. Wie wir sie kennen. Comment les reconnaître, comment les connaître. How to know people. Wie wir Menschen erkennen. Comment on reconnaît les gens. How to know religious people. Wie wir religiöse Menschen erkennen. Comment on reconnaît les gens religieux. How to know how religious they are. Wie wir erkennen, wie religiös sie sind. Comment savoir à quel point ils look sont religieux. Vers 6. On voit dans verset 6. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth us not. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Our law is different unser Gesetz from the law Amen that control everything here on earth. Unser Gesetz ist anders als das Gesetz dieser Welt, was alles hier auf der Welt kontrolliert. Notre loi est différente à la loi qui contrôle tout ici sur terre. We are above their laws. Wir stehen über ihren Gesetzen. Nous sommes au-dessus de leurs lois. Even in the Old Testament. Auch im Alten Testament. Même dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. You know the song you sing. Ihr kennt die Lieder, die wir singen. Vous connaissez les chansons qu'on chante. I want to sing it now. Amen. Amen. Amen. Amen. Elijah Levo, awa sare ju Ferrari lo. Elijah Levo, awa sare ju Ferrari lo. can you know the meaning of that song? Kennt ihr die Bedeutung von dem Lied? Elijah level. We are faster than any Ferrari. It's another level. DJ Roland. DJ Roland. Praise the Lord. Amen. It is another level. Go to 1 Kings 16. 1. Könige 16. C'est un autre niveau. On va lire un roi. Praise the Lord. 1. König. Amen. 1 Kings 16. From verse 40 to the end. Premier roi 16. Oh, sorry. Let me see. Yeah. First. First King 18. Erster Könige 18. Un roi 18. First King 18, please. Erster Könige 18. Praise the Lord. 18, from verse 40. Un roi 18, verset 14. Remember what happened here. I don't know if you still remember the story. J'espère vous rappeler ce qui s'est passé ici. Amen. Elijah had defeated the prophet of Baal. Elijah hatte die Propheten Baals besiegt. Elijah avait vaincu contre les prophètes de Baal. Amen. He caught fire from heaven. Feuer aus dem Himmel gerufen. Donc il avait ordonné de feu du ciel. Et ce feu hat sie alle verschlungen. Et ce feu l'a brûlé tout le monde. 40. Verset 40. And Elijah said unto them, take the prophets of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there. Praise the Lord. Verse 41. And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. 42. 42. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth and put his face between his knees. 43. 43. And said to his servant, go up now, look to where the sea. And he went up and looked and said, there is nothing. And he said, go again seven times. Verse 44. 44. And it came to pass at the seventh time that he said, behold, there arises a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, go up, say unto Ahab, prepare your chariot. Is somebody getting something? Mm-hmm. And get thee down, that the rain stop thee not. This man was going to use chariot to run, and Elijah was going to run with his foot. Dieser Mensch wollte mit seinem Pferden sozusagen, mit seiner Kutsche dorthin gehen, aber Elia ist zu Fuß gegangen. Cet homme, lui, voulait partir là-bas avec ses chariots, mais Elie, lui, est parti à pied. Amen. And it came to pass in the meanwhile that the heavens was black with clouds and wind. And there was a great rain. And Ahab rode and went to Jezreel. Verse 46, I mean. And the hand of the Lord was on Elijah. And he girded up his loins and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Praise the Lord. So you now know the meaning of that song. Praise the Lord. Hallelujah. Jetzt kennt ihr also die Bedeutung dieses Liedes, ne? Dass Elia sozusagen schneller als Ahab war, obwohl Elia sozusagen zu Fuß war und Ahab sogar auf einer Kutsche mit Pferden auf dem Weg nach Jezreel war. Et on peut voir ici maintenant, on peut comprendre maintenant la signification de cette chanson qu'on chante toujours ensemble ici, qu'il s'agissait de Élie, par exemple, que lui, il était plus vite que Ahab qui était dans des chariots. Il est parti vers Jezreel, il est parti là-bas avec les chariots, mais Élie, il était à pied, mais il a été plus vite que lui, en fait. Praise the Lord. C'est un autre niveau, ça. Amen. What about Joseph? Was mit Josef? Becoming a prime minister. Der ein Premierminister wurde. Qui est devenu un premier ministre. Amen. It was a suspension of the natural law. Die natürlichen Gesetze wurden sozusagen überbrückt. Et on peut voir que la loi naturelle a été suspendue. What about Daniel? Oder Daniel. Ou Daniel. He was not eaten by the lion. Er wurde nicht gefressen von den Löwen. Il a pas été dévoré par les lions. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you know what that was. It was a suspension of the natural law. Auch hier wurden die Naturgesetze sozusagen überbrückt. What this was called natural law. Das, was der natürliche Mensch Naturgesetze nennt. Là aussi, la loi naturelle a été suspendue. Ce que le monde appelle la loi. The law that God did not even create. He did not create it. Amen. There are laws he created. Amen. World laws. But even after the fall, the laws, they were not polluted. He created a lion, but not a lion to eat people. Verunreinigt. Zum Beispiel die Gesetze wie dass zum Beispiel der Fitteste überlebt. Das ist zum Beispiel auch ein Gesetz, ne? Dass Tiere einander sozusagen fressen, dass es eine Nahrungskette gibt. Aber das hat er nicht erschaffen. Das ist sozusagen eine Verunreinigung des Gesetzes durch den Sündenfall. Eigentlich sollten Löwen keine anderen Tiere essen. On peut voir que, à l'exemple de Daniel, la loi naturelle a été suspendue parce que normalement, il y a eu des lois que Dieu a créées avant la chute de l'homme. Mais après la chute de l'homme, toutes ces lois aussi ont été polluées parce que le lion qui a été créé ne devait pas manger d'autres animaux et surtout pas l'homme. Mais après la chute de l'homme, tout a changé. Amen. Our God did not create, you know, fire to burn people, the three Hebrew boys. Oder Gott hat auch nicht das Feuer erschaffen, damit es die drei hebräischen Jungs sozusagen verbrennt. Ou alors l'exemple avec les trois petits garçons hébreux, le feu que Dieu lui-même avait créé. À la base, ce feu n'avait pas été créé pour brûler ses enfants. Amen. Mm. You know, even for death to kill any man, that was not God's law. Tod irgendein Mensch. That is normal now. War auch nicht das natürliche Gesetz, das der Herr gebracht hat, aber jetzt ist es normal geworden, dass Menschen sterben. Mm. Quand on avait dit ou entendu au début que la mort avait été créée sans puissance, donc ce qui est devenu normal ici sur terre, que l'homme meurt, n'était pas prévu par l'Éternel. Amen. Everything changed after the fall of man. Alles hat sich geändert nach dem Sündenfall. Tout a changé après la chute de l'homme. Amen. There were God's law, you know, death was there. Der Tod war da. A lion was there. The fire. You can see how they changed. Alles hat sich verändert durch den Sündenfall. On peut voir que tout a changé après la chute de l'homme. À travers nos exemples qu'on a eu là, le lion, le feu ou la mort. And today, man called them natural laws. Und heute nennt der Mensch es aber Naturgesetze, natürliche Gesetze. Et c'est ça que l'homme maintenant appelle la loi. La loi de la nature. Amen. Natural laws deal with natural people. Die natürlichen Gesetze, die natürlichen Menschen liegen unter den die natürlichen Menschen liegen unter den natürlichen Gesetzen. Encore une fois, l'homme naturel est soumis aux lois naturelles, aux lois de la nature. Amen. Remember, before the fall, there was nothing like those laws. Gab es diese Gesetze nicht? Amen. But now, thank Christ Jesus, we are back to that place. Aber jetzt danken wir. That law is not our business. Jetzt danken wir dem Herrn, dass wir jetzt nach dem Sündenfall, also wir zurück vor dem Sündenfall sind, wo diese Gesetze, wo wir diesen Gesetzen nicht mehr unterliegen. Et on remercie l'Éternel, on remercie Jésus-Christ parce que grâce à son œuvre, on a été replacé à l'endroit où on était avant la chute de l'homme. Amen. Where we are now under the real, the how he made the law original. Nous sommes plus soumis aux lois naturelles, mais maintenant on est sous ses propres lois, sous l'original comme il avait prévu au début. Praise the Lord. Wo wir sozusagen jetzt wir nach seinen Gesetzen, nach seinen originalen Gesetzen leben. His own laws are his properties. Denn seine Gesetze sind sein Besitz. Ses lois sont sa, sont ses biens, sont sa propriété. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. He applied them at his own will. Und er nutzt diese Gesetze nach seinem Willen. Et il utilise ses lois selon sa volonté. It does not work by tempting him. Diese Gesetze werden nicht treten nicht in Kraft, indem man ihn sozusagen versucht. Et ces lois sont pas activées quand tu le tentes, par exemple. Praise the Lord. Yeah. What manner religion comme miracles today? They are the normal laws of the kingdom of heaven. Mm. What they call miracles. Mm. They are the normal laws of the kingdom of heaven. Mm. Was Menschen und religiöse Leute Gesetz Wunder nennen, ist das, was was für uns normale Gesetze sind. Mm. Donc ce que l'homme appelle des miracles sont des choses normal dans naturel dans le royaume des cieux selon sa loi. Amen. The normal laws were the laws of God before the fall. Die normalen Gesetze waren die Gesetze Gottes vor dem Sündenfall. Les lois normales. The normal laws. Die natürlichen Gesetze. The normal laws. Die normalen Gesetze of God. Von Gott. The normal laws of God have been there before the fall of the fall of man. Vor dem Sündenfall. Donc les lois surnaturelles de Dieu ont été là avant la chute de l'homme. Amen. Amen. They are what the natural people and religious people call miracles today. Sie sind das, was natürliche Menschen und religiöse Menschen als Wunder bezeichnen. Et ça, ce sont les lois, les choses que l'homme, l'être humain appelle miracle. Praise the Lord. Man and religious people seek them today. Und der Mensch und Religion sucht nach diesen sogenannten Wundern sozusagen. Et c'est ça que l'homme naturel ou l'homme religieux cherche. They seek miracles. Sie suchen nach Wundern. Pour eux, ils sont après les miracles. Amen. Amen. We don't seek them. Do you know why? Because we are back into them. Amen. Wir suchen diese Dinge nicht mehr, weil wir jetzt darin schon leben. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne cherche pas les miracles parce qu'on a été replacés dans cette position où c'est notre loi naturelle. We are back into our normal life. Wir sind wieder zurück in unser normales Leben. Nous sommes de retour dans notre vie prévue, naturelle. Is somebody getting it? Praise the Lord. Alleluia. We are back into that position where the Lord wants us to be. Wir sind zurück in dieser Position, wo der Herr uns haben möchte. Nous sommes de retour dans la position où l'Éternel nous voit. Nous veut nous Amen. Avoir. Those who know what they call miracle, that is why they seek us. Amen. They seek us because we are back into that position where the Lord wants us to be. Und diese Dinge suchen uns auf, weil wir wieder dort sind, wo der Herr uns haben möchte. Because they are all normal laws of God. Weil das sind die normalen Gesetze Gottes. Et ces miracles nous poursuivent, nous cherchent, parce qu'on a été replacés dans un monde où ces miracles sont la loi commune. Amen. The Holy Spirit applied them as his own given time. It is like the spiritual gift. If you quickly go to 1 Corinthians 12, please. Et le Saint-Esprit utilise ses lois à son temps. 1 Corinthiens 12. Praise the Lord. Vers 11. 1 Corinthiens. Amen. He talks about. Verset 11. Praise the Lord. Amen. Here he talks about this. If you just read, let's first of all read verse 1. Verse 1. He said, now concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant of them. Amen. Verset 2. Praise the Lord. Amen. Then in verse 11. Ah, on a lu d'abord 1, mais on va lire verset 11. Praise the Lord. Amen. He said, but all these workers, that one and the self-same spirit, divided to every man severally as he will. Amen. As the Holy Spirit will. That's how he brings them to be the Holy Ghost. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est selon le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il va les distribuer. It means how you submit to him, to Christ. How you obey his voice. Wie wir uns ihm hingeben, wie wir seiner Stimme gehorchen. Und la manière dans laquelle tu te donnes au Christ, dans laquelle tu obéis au Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. Two laws. Zwei Gesetze. Deux lois. The laws free us. Christ's law free us from the laws, from the old law, from their laws. We are free from their laws. Wir sind frei von ihren Gesetzen. La loi du Christ nous libère de leurs lois. The gospel of Jesus Christ. Das Evangelium von Jesus Christus. L'évangile de Jésus Christ. And the gospel that Jesus Christ taught and preached. Und das Evangelium, was Jesus Christus gelehrt hat und gepredigt hat. Et le, l'évangile que Jésus Christ a prêché et enseigné. Praise the Lord. Amen. Example, the feeding of thousands. Zum Beispiel, a little boy's meal. Die Speisung der Tausenden mit diesem kleinen Mittagessen von diesem kleinen Jungen. Par exemple, quand il a nourri les milliers de personnes avec le plat, avec la nourriture qui était prévue pour un petit garçon. Amen. Mm-hmm. It was the suspension of the natural law. Das natürliche Gesetz wurde sozusagen überbrückt. We don't need to go far. Amen. Jésus-Christ a suspendu la loi naturelle. Amen. Amen. Jesus walked on the sea, so also is Peter. Jesus it was the suspension of the natural law. Quand Jésus-Christ a marché sur l'eau avec Pierre, là aussi, les lois naturelles ont été suspendues. Genauso als Petrus auf dem Wasser gelaufen ist, es war die Überbrückung des der natürlichen Gesetze, die wurden sozusagen überschritten. Praise the Lord. Are we ready? Mm. Amen. Christ Jesus came with another law. Christus greater than the natural law. Mit einem anderen Gesetz, was größer ist als das natürliche Gesetz. Jésus-Christ est venu avec une autre loi qui est plus grande que les lois de la nature. Remember again Matthew 4:17. Matthäus 4:17, das Königreich des Himmels. Another law has come. It's now. Satan. It's about to come. Amen. Amen. Another laws, another principles, another different principe, from the principles of this world. Was anders als das Prinzip dieser Welt, ist nah. Ouais. Donc, quand Jésus-Christ a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche, ça veut dire qu'une nouvelle loi est proche, un nouveau système est proche, un nouveau royaume. Amen. Amen. The laws of the kingdom of heaven. Just speak to the fig tree, to the tree, and the tree obey you. Sprichst du dem Feigenbaum, so der suspension Baum. Of of the natural law. Parle comme Jésus-Christ, par exemple, quand il a parlé au figuier, là aussi, les lois de la nature ont été suspendues. Remember the laws of aerodynamic. Erinnert euch auch an das Gesetz der Aerodynamik. Rappelez-vous des lois de l'aérodynamique. L'aérodynamique. Let me see. The law of gravity. Das Gesetz der Schwerkraft. La loi de la gravité. Amen. Praise the Lord. Aerodynamique, petite gravité. Amen. Amen. Amen. Amen. Cancelled another law. He cancelled another law. That is called lift. Und lift gravity, then lift. Last week I used plane as an example. Mm. If you still remember. Mm. For example, plane. Amen. Amen. Man used the law of gravity by putting under it the law of lift. Der Mensch überbrückt sozusagen die Gesetze der Schwerkraft, indem das Gesetz der Anziehung, Anziehung sozusagen dem entgegenkommt. Anziehung, Rabbi. If, for example, you put something up like this, it's going to, it will fall down, supposed to fall. But there's another law that can hold it. Anziehungskraft. The law of lift. On peut voir que l'homme suspend une loi avec l'autre. Praise the Lord. I just use that plane, for example. Ouais. Amen. For example, plane. Un flugzeug, par exemple. Amen. Un avion, par exemple. L'avion, amen. Par exemple. You fly. Mm. But you are not the one fly, it's the plane. Im Flugzeug fliegt man sozusagen, aber nicht du bist derjenige, der fliegt, sondern es ist das Flugzeug, was quand, fliegt. Quand tu es dans un avion, tu es en train de voler, mais c'est pas toi qui vole, mais c'est l'avion qui vole. Amen. Amen. It's like we are above the natural law. It's not because we are something else. It's because of Christ. Amen. The Christ, the plane is the Christ. Amen. The plane is Christ. Amen. We are inside here, and that's why we are able to be above the natural law. Und genauso auch wie wir, wir stehen über den Naturgesetzen, nicht weil wir sind, sondern wegen Christus Jesus, weil er über den natürlichen Gesetzen steht. Und wir sind in ihm und er ist in uns und deswegen können wir da drüber stehen. Genauso wie in einem Flugzeug bist du nicht du die Person, die fliegt, weil du fliegen kannst, sondern du bist im Flugzeug und deswegen bist du in der Lage, über diesen Gesetzen zu stehen und zu fliegen. Amen. C'est la même chose avec le Christ. Nous sommes au-dessus des lois de la nature parce qu'on a le Christ en nous. Ce n'est pas parce que nous-mêmes, nous sommes au-dessus de ces lois. Non, c'est parce que la personne qui est autour de nous est en nous et au-dessus de ces lois. C'est pour ça que nous-mêmes aussi, nous sommes au-dessus des lois de la nature. I hope you are able to understand it. Amen. Okay. It's how the Holy Spirit explained it to me. That's how I'm explaining it to me. Amen. J'espère que vous pouvez le comprendre. Praise parce que Lord. C'est comment... C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a expliqué, c'est pour ça que je vous le donne. Amen. If a man can do that, what about Christ Jesus? C'est avec Christus Jesus. Si l'homme peut le faire, à plus forte raison, Jésus-Christ peut le faire. If common natural man can do that, wenn ein natürlicher Mensch das tun kann, ihre Gesetze das can do that, can hold a plane as big as it is. In the sky and it's flying. Ein Flugzeug in der Luft halten können. Laws of Christ? Was da mit den Gesetzen von Christus? Wie großartig sie sind. Si l'homme, à travers quelque chose qu'il a créé, est capable de suspendre la loi de la gravité, par exemple, à plus forte raison, Christ peut le faire. Amen. Amen. How much more the great I am that I am. Wie viel mehr der Alpha und Omega, Gott der Allmächtige. John 8, please. Johannes 8. Si l'homme est capable de faire certaines choses, à quel point l'alpha et l'oméga est capable de les faire? Praise the Lord. Amen. Amen. Please, you can ask questions later if you have difficulties. Amen. Wir können John später 8, auch Fragen please. Stellen, wenn wir Schwierigkeiten haben. Vous pouvez poser les questions plus tard si vous avez des questions. John 8 from verse 51. Johannes 8, 51. On va lire Jean 8 à partir de la verset 58. Amen. Non, 51, pardon. Praise the Lord. Look at what Jesus said to them here. Schaut euch an, was Jesus zu ihnen hier sagt. He said, verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Praise the Lord. Hallelujah. The natural man will say, everybody, people are dying everywhere. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Die natürlichen Menschen würden sagen, es ist doch eine Lüge. Natürlich sterben Leute, auch die glauben. Let me read it, pardon. 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. L'homme naturel va dire que tout le monde va mourir. Mm-hmm. Tout le monde va mourir. Praise the Lord. Hallelujah. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Praise the Lord. Hallelujah. The same we read in Genesis 2. Das Genesis 2. Mose 2 gelesen. Amen. Mm-hmm. Where God said to Adam, if you disobey me, you will surely die. Mm-hmm. Wenn du mich missachtest, wirst du sterben. Das ist gleich, was hier steht. Et c'est la même chose qu'on a vu dans Genèse, quand Dieu a dit à Adam que si tu manges ce fruit, tu mourras. Praise the Lord. Hallelujah. Then said the Jews unto him, you see, 52. You can see the example of the natural man. Mm-hmm. Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets. And thou said, if a man keep my saying, he shall never taste of death. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 53. Verse 54. And thou greater than our father Abraham, which is dead, and the prophets are dead. Who maketh thou yourself? Verse 54. 54. Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. Mm. It is my Father that honoreth me. Amen. Of whom you say that he is your God. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Anytime Jesus opens his mouth, it's bomb. When Jesus says, come in, come raus. Praise the Lord. I love him so much. Mm. Amen. À chaque fois que Jésus-Christ dit quelque chose, c'est vraiment puissant. Verse 55. 55. He said, yes, you have not known him, but I know him. And if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and keep his saying. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old. And hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Amen. That's where I want to go to. Mm. I am. Then you go and see the Exodus. Exodus 3, verse 14. Ehe Abraham war, bin ich. Exodus 3, please. Avant qu'Abraham fût, je suis. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Exode 3. Exodus 3, verse 14. Verset 14. 2. Mose 3, verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thou shalt thou say unto the children of Israel, I am sent unto you. I am. The same name Jesus called himself here. Mm-hmm. I am. Praise the Lord. Welchen Namen Jesus hier genutzt hat, ich bin. One of his name. Mm-hmm. One of his name is I am. Je suis un des noms de l'Éternel, le même nom que Jésus-Christ a utilisé quand il parlait aux pharisiens. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And if you go back to John 8, verse 59, they took the earth up stones to cast at him. Mm. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. And because of Christ Jesus in us, we are already living in suspension. Und wegen Christus Jesus of the natural law. Leben wir schon in dieser Überschreitung der natürlichen Gesetze. À travers Jésus-Christ, nous sommes déjà dans un endroit où les lois naturelles sont déjà suspendues. Our problem is what we don't have. Sorry. Let me put it this way. Our problem is not what we don't have. Unser Problem liegt nicht darin, in dem, was wir nicht haben. Notre problème n'est pas ce que nous possédons point. If our problem is not knowing who we are. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Le problème, notre problème est que nous sommes pas conscients de notre identité. Amen. God's children is not what they don't have. That is not their problem. Their problem is we don't know who we are. That is the real problem. Kinder Gottes haben nicht das Problem, dass sie nicht in dem, was sie haben, oder was sie nicht haben, sondern dem, dass sie nicht wissen, wer sie sind. Le problème des enfants de Dieu n'est pas ce qui leur manque, mais qui sont pas conscients de leur identité. My people perish for lack of knowing who they are. Mein Volk geht zugrunde, weil es eben nicht weiß, wer es ist oder was sie haben. Mon peuple périt parce qu'il n'est pas conscient de ce qui là ou qui il est. Not knowing who they are. Nicht zu wissen, wer sie sind. Ce manque de connaissance. Amen. Example is the prodigal son. Ein Beispiel ist der verlorene Sohn, sein Bruder. Voilà, la même chose avec l'enfant perdu. Amen. Le frère de l'enfant perdu. He did not know that what belonged to the father belonged to him. Er wusste nicht, dass das, was dem Vater gehört, auch ihm gehört. Il savait pas que ce qui appartenait au père l'appartenait aussi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. We don't want to vanish from one place to another. Wir wollen nicht von einem Ort zum anderen verschwinden. On veut pas être capable de se téléporter d'un endroit à l'autre, non? Amen. Satanic people also vanish. Satanische Leute verschwinden auch von einem zum anderen Ort. Parce que les gens qui servent le diable sont aussi capables de se téléporter. We are born sick, what they seek. Wir stehen über dem, wir suchen nicht das, was sie suchen. Wir stehen über den Dingen, die sie suchen. Nous sommes au-dessus des choses qu'ils cherchent à avoir. Amen. Mark 16 said, the sign that shall follow us. Markus 16. What they call miracle is to follow us. And not we follow what they call miracle. Dass das, was sie Wunder nennen, uns aufsucht und nicht, dass wir diese Dinge aufsuchen. Markus 16. On va lire Mark 16. Mark 16, from verse 15, please. Markus 16. Verset 15. And he said unto them, go ye into the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. How to be saved? Wie wir errettet sind. Comment on est sauvé? On voit dans verset 16. Praise the Lord. But he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. Verse 17. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take off serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ooh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. What they seek us. Was sie suchen, they sucht seek, uns. Those things they seek. Die Dinge, die sie suchen, they seek us. Sie suchen uns. Les choses qu'ils cherchent nous cherchent. Amen. What they seek should seek us. Aber sie suchen, sollte uns suchen. Donc, ce qu'ils cherchent doit nous chercher. Praise the Lord. Amen. The Spirit of the only true God is inside us. Der Geist des einzig wahrhaftigen Gottes ist in uns. L'esprit du seul vrai bon Dieu est en nous. It's what Satan can never do. Es ist das, was der Satan niemals verbringen kann, machen kann. Kopieren kann. Or cannot even have, cannot do, cannot have. Peut jamais faire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. So vanish from one place to another, Satan can do that. Von einem zu anderen. But for the Spirit of Christ to be inside of you, he cannot have it and he cannot do it. Von einem Ort zum anderen Ort zu verschwinden, das kann auch der Satan kopieren, aber dass der Geist Gottes in dir lebt, das kann der Satan nicht nachahmen. Yeah. Le diable peut se téléporter d'un endroit à l'autre, mais ce qu'il peut pas faire est te donner l'esprit du seul vrai bon Dieu. Amen. Our names are written in heaven. It's what Satan cannot have or do. Unsere Namen sind im His Himmel name is not in heaven. Das, His followers, their names are not in heaven. If you are not of Christ, your name is not in heaven. Wenn du nicht von Christus bist, ist dein Name nicht im Himmel geschrieben. Und das, diese Tatsache, das kann der Satan eben nicht kopieren. Deswegen können seine Nachahmer nicht dastehen, wo wir stehen. Le fait que ton nom est inscrit dans le livre de vie est quelque chose que le diable ne peut pas faire ou même son, ou lui-même n'est pas inscrit. Donc chaque personne qui suit Satan va jamais voir son nom. Son nom dans le livre de vie. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 24. And he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. You can see what Satan can never do. Ihr seht das, was er sagt, niemals nachahmen kann. On peut voir ce que le diable peut jamais imiter, peut jamais faire. And hereby we know that he abided in us by the spirit which he had given us. Praise the Lord. Hallelujah. Then in the next chapter, 1 John 4:4. Amen. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und das kann der Satan eben nicht nachahmen. Amen. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et ça, c'est quelque chose que le diable ne peut pas imiter, ne peut pas, ouais, peut pas faire. On va lire 1 Jean 4, 4. Praise the Lord. Amen. You are of God, little children. I have overcome death. Because greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Amen. We will not forget our message. A change of faith. Wir werden unsere Botschaft nicht vergessen heute, eine Veränderung unserer Träume. On va pas changer notre message aujourd'hui qui est le changement des rêves. I never have what my God dreams. Oublie. I myself. Never had what my God dreams. Ich hatte nie das, was Menschen Träume nennen. J'ai jamais eu ce que l'homme appelle rêve. Amen. For example, when here in Europe, they are expert in it. Children, you just ask them, what are you going to become? They already know. Amen. Mm-hmm. You know, when we were in school, people were always asking, what are you going to become? You know, I never dream of anything that I want to become in future. Und ich hatte nicht nie diese Träume, die diese natürliche Welt als Träume anerkennt. Beispielsweise, dass wir wissen, dass besonders in der westlichen Welt, dass es normal ist, dass Kinder schon einen Traum haben, was sie werden wollen. Ob es Polizist, Feuerwehrmann oder Arzt oder andere Sachen sind. Das hatte ich für mich nie als Kind, noch später nicht. Moi, j'ai jamais su ce que je voulais devenir. Même à l'école, quand on me demandait, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras une adulte, je pouvais rien leur dire parce que j'avais jamais de rêve comme le monde. Amen. For example, I want to become, I'm going to be a doctor, a lawyer, a housewife, or a married woman with children. Because there was nothing in me. Amen. Ich hatte diese Träume oder Wünsche nicht, Hausfrau, Mutter oder Arzt oder irgendwas anderes zu werden. J'ai jamais eu ces rêves de devenir avocate, médecin ou même une femme mariée ou quoi que ce soit, non. Even to become a pastor, the preaching Christ today, I did not even have it. Selbst ein Pastor zu sein, das hatte ich auch nicht als Wunsch, weil damals habe ich sogar gehasst. Ou même de devenir un pasteur, j'ai jamais pensé, parce que même l'ancien homme détestait même la religion ou les fils de Dieu. Amen. And because I had no dream. Then, and there was no dream to pursue. So see, I don't know if you get it. Habe ich auch nicht because nach. There was no dream, I had no dream, and there was no dream to seek, to run after, to go after. Und weil ich keine Träume hatte, gab es auch keine Träume, die ich erfüllen wollte, die ich zielstrebig nachgejagt bin. Et comme j'avais pas de rêve comme tel, j'ai jamais suivi ou j'ai jamais cherché à accomplir un rêve. Amen. Mm-hmm. I never seek to become anything. Ich habe nicht danach gestrebt, irgendetwas zu werden. J'ai jamais cherché à devenir quelque chose ou devenir quelqu'un. Amen. Mm-hmm. And even when we came to Deutschland, you know, as all of you already know, mm-hmm. even I was always saying, okay, maybe Afro shop. Mm-hmm. Amen. To have one business. Amen. Mm-hmm. Even that was not strong in me. Mm-hmm. Because I was always ready for a change. Mm-hmm. Und auch der Wunsch, dann später ein Afro-Shop zu haben, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, war jetzt auch nicht so stark, weil ich war halt einfach immer sehr, sehr offen für Veränderungen. Et même quand on est venu ici en Allemagne, là j'ai pensé à ouvrir peut-être un Afro-Shop, mais même ce rêve n'était pas vraiment enraciné à moi, parce que c'est la raison pour laquelle j'étais toujours prêt ou prête pour un changement. You know, most people really have a dream. They are never ready for a change. Wenn, you know that. Wenn Leute einen Traum haben, sind sie nicht mehr bereit für eine Veränderung. Parce que si une personne a réellement un rêve, cette personne n'est jamais prêt à changer ou prêt pour un changement. And that's why it's so good to allow Christ to be your dream. Deswegen ist es gut, having him as everything. Zuzulassen, dass Christus dein Traum ist. Et c'est vraiment c'est la raison pour laquelle c'est vraiment bon d'avoir ou bien d'avoir Jésus-Christ comme rêve, de grandir en Jésus-Christ, d'avoir une relation avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. There is nothing wrong in once having what man called dreams, that you once have it or you have it. There's nothing wrong in it. Ist es nicht falsch, einen Traum zu haben, dass man irgendwas werden wollte oder irgendwas machen wollte? Et c'est pas mauvais d'avoir un rêve ou de vouloir faire quelque chose ou devenir quelqu'un ou quoi que ce soit, non. It is the system of the world. Es ist das System dieser Welt. C'est le système de ce monde. To have dreams. Träume zu haben. D'avoir des rêves. Amen. Ziele zu haben. Joseph once had a dream. Joseph hatte auch einen Traum. Joseph, par exemple, il avait aussi un rêve. Peter, Paul, you know, they once had dreams. Sie hatten Träume. Pierre, Paul, eux tous, ils ont eu des rêves. You know, ils avaient des rêves. Remember, Peter was a fisherman. Petrus war ein Fischer. Pierre, par exemple, il était un pêcheur. Amen. Mm. Peter was not educated. Petrus war nicht gebildet. Pierre n'avait pas de diplôme. He did not go to university. Er ist nicht zur Uni gegangen. Il a pas visité une université. Even Jesus did not go to university. Auch Jesus ist nicht zur Uni gegangen. Jésus-Christ non plus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Things of the Spirit, you don't need university. Für Dinge des Geistes just need Christ. Du brauchst nur Christus. Pour les choses spirituelles, tu n'as pas besoin d'école ou d'université, tu as seulement besoin du Christ lui-même. Amen. Amen. Even Paul that was once dead, that he was educated. Paul was educated. Look at Philippians 3, please. Philippiens 3. Philippiens 3. He achieved his dream. Paul achieved his dream. Paul, par exemple, était une personne instruite. Amen. Il a accompli son rêve. Paulus hat seine Träume, seinen Traum sogar erfüllt. Er war gut gebildet, hatte seine Abschlüsse. Il a eu ses diplômes et tout. Philippiens 3. Verset 7. Can you also read verse 8? He said, but what things were gained to me, those are counted loss for Christ. Yea, doubtless, and count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. He said, all the achievements, they have to reject all. All die Errungenschaften musste er verweigern, um Christus zu gewinnen. Mais les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte. Il a dû les voir comme une perte afin de voir Jésus-Christ. Amen. De gagner Jésus-Christ. He achieved his natural dream. Er hat seinen natürlichen Traum erfüllt. Il a accompli ses rêves. But he dropped them for Christ Jesus. Aber er hat all das fallen gelassen für Christus Jesus. Mais il a renoncé à tout ça pour Jésus-Christ. He became somebody that never had. Er wurde zu jemandem, der das alles gar nicht mehr hat. Il est devenu quelqu'un qui possède plus ses diplômes. Amen. For Christ's sake, he became somebody that never had anything. Um Christus Jesus wurde er zu jemandem, der diese ganzen Sachen gar nicht mehr hatte, weil sie nicht mehr geachtet hat. Et pour Jésus-Christ, il est devenu une personne qui n'a jamais visité l'université, qui n'a jamais eu ses diplômes, juste pour avoir Jésus-Christ. Amen. No wonder Jesus said in Matthew 18, until you are converted and you are not like a little child. This little child that have not even stepped out of the out of the house. Are you getting it? You are not there. Deswegen sagt Jesus Christus, erst wenn wir die Kinder sind, dann sind wir erst da, sonst haben wir noch gar nicht erst angefangen. Matthäus 18. C'est pour Jésus Christ nous dit que si on ne sommes pas comme ces petits enfants, cet enfant qui sort à peine peut-être, mais pas sans ses parents. Matthieu 18, verset 1 à 3. Amen. Amen. At the same time came his disciple unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Praise the Lord. Amen. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Paul. If you want to say who is the greatest in the kingdom of this world today? I will not be one of them. Mm-hmm. Amen. Yeah. So also is Jesus. Jesus will not be one of them. Wenn man fragen würde, wer ist der größte im Reich dieser Welt, würde niemand da in Frage kommen und nicht mal Jesus Christus selbst. Mm-hmm. Praise the Lord. Si on demande au monde aujourd'hui qui est la plus grande personne de ce monde, personne va dire que un d'entre nous ici est la plus grande personne de ce monde, mais ils vont pas non plus dire que Jésus-Christ est le plus grand de ce monde. Verse 2, please. Verset 2. And Jesus called a little child unto him. You can see the humility. Is it what he called? Can you see it here? He called a little child. And not one big rich man with big belly. Coming out, you just call him, but professor, come out. Somebody, you know, are you getting it? Amen. Amen. Or somebody, you know, not that there was his account. You can just say, what, you know, he called just a little child. And I can't think about Jésus-Christ a appelé un petit enfant. Amen. Amen. And set him in the midst of them. Verse 3. Verset 3. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Jesus fragt, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und er hat da nicht irgendeinen großen, dicken Mann herbeigerufen, der reich ist und der vor Geld fast platzt. Nein, er hat ein Kind herbeigerufen, stellt es in ihre Mitte und sprach, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Ihr seht, dass diese Demut so wichtig ist im Königreich des Himmels. Amen. En ce moment, les disciples s'approchent de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On voit que c'est vraiment à quel point on doit se soumettre ou être humble devant Dieu afin d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la plus grande personne, il a pris l'exemple d'un petit enfant et pas d'un homme riche, d'un roi ou quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses dans la terre. Non, il a pris l'exemple d'un petit enfant. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then verse 4, please. Verset 4. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Whosoever shall receive One such little child in my name receive me. Whosoever shall offend one of these little ones, which believe in me, it were better for him that a millstone will hang about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. Praise the Lord. Alleluia. I love the word of Christ. Ich liebe das Wort von Christus. Amen. J'adore la parole de Dieu. Amen. Amen. You can see how people that once have become somebody that have nothing to win Christ. Ihr seht, wie Leute, die vorher vieles hatten, leaving everything. Alles geben, damit sie Christus gewinnen. Et on peut voir que les gens qui ont eu beaucoup de biens, qui ont possédé beaucoup de choses, ont renoncé à tout afin d'avoir Jésus-Christ, afin de gagner Jésus-Christ. Il dit, for it is written, rejoice thou barren, that beareth not, break forth and cry, thou that travaileth not. For the desolate hath many more children than she which hath a husband. Praise the Lord. Hallelujah. These have things in the lost way, and not have things in 4, Vers 27. Amen. Es geht darum, Dinge sozusagen wie der Herz will und nicht nach gemäßem Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Joseph, Peter, Paul, and many others. Amen. They became like that little child that had nothing. Amen. Amen. Jesus, Petrus, Paulus, sie wurden so wie dieses kleine Kind und haben alles verloren, um Christus zu gewinnen. Jesus, Joseph, Pierre ou Paul, ils sont devenus comme ce petit enfant afin de gagner Jésus Christ. You must become like you never had anything. Du musst so werden, wie als ob du nichts jemals gehabt hättest. And not for yourself's sake. Um Christus willen, nicht für dich selbst. And not for the flesh. Nicht wegen dem Fleisch. Amen. But for Christ's sake. Wegen Christus. And the gospel. In dem Evangelium. Donc nous tous, on doit devenir comme ces petits enfants. On doit devenir comme des gens qui ont jamais possédé quoi que ce soit pour gagner le Christ. Et amen. Tout ça pour le Christ et pas pour notre propre bien, non pas pour notre chair. Again, there is nothing wrong with once having workman and religion called dream. Nochmal, es ist nicht schlimm, eins das gehabt zu haben, was der Mensch Religion Traum genannt hat. Encore une fois, c'est pas mauvais d'avoir eu des rêves comme le monde là les a. Amen. Amen. But to let that dream go for Christ's sake. Aber diese Träume loszulassen für Christus selbst, das ist eine andere Sache. Kannst du what you plan to become? Loslassen. Mais de renoncer à ses rêves, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qui est important. Est-ce que tu es capable de renoncer à ses rêves pour Jésus-Christ? Especially those that have achieved it. Besonders die Leute, die es schon erreicht you haben. Allow it to go. Wirst du zulassen, dass es geht, Christ, um Christus zu be gewinnen, there for Jesus. Um für Jesus da zu sein. Surtout pour les personnes qui ont déjà accompli leurs rêves. Est-ce qu'ils sont capables d'aller à renoncer à tout ce qu'ils ont accompli pour gagner Jésus-Christ? You know, if people are on their way to achieve it, it might be easier for them. But once you have achieved it, you look at the years you spent to now achieve it. It's a big deal. To drop wenn Jesus. Man noch auf dem Weg ist, diese Träume und Wünsche zu erfüllen, ist es vielleicht noch einfacher, sozusagen zu wenden und zurückzugehen und Christus zu folgen. Aber wenn man dann schon dieses Ziel erreicht hat und dann schaut, wie viele Kilometer man hinter sich gelassen hat, wie viele Dinge man geopfert hat, und dann all das aufzugeben für Christus Jesus, das ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Il y a une différence entre une personne qui est en train de poursuivre ses rêves comparé à une personne qui a déjà accompli ses rêves. C'est peut-être plus facile à renoncer à ses rêves quand on les a pas encore accomplis comparé à une personne qui a déjà tout accompli et elle va penser à tout le temps qu'elle a investi. Ou alors tout l'argent, ou quoi que ce soit, ça dépend du rêve qu'elle a investi. Et de renoncer à tout ça pour suivre Jésus-Christ, pour gagner Jésus-Christ, ça peut être difficile. Praise c'est the Lord. Difficile. Hallelujah. No one ever come genuinely to Christ Jesus and still have the old dream. Weil niemand kommt wahrhaftig zu Christus Jesus und hat immer noch seine alten Träume. Es gibt immer eine Veränderung der Träume und Christ himself become your dream. Denn Christus selbst wird zu deinem Traum. Il y a personne qui est venu vers Jésus-Christ et qui a toujours et qui garde les mêmes rêves parce qu'il y a toujours un changement. Amen. That's why I always say coming to Christ is risky. Sage ich immer zu Christus zu kommen, ist riskant. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que c'est un risque de venir vers Jésus-Christ. Because it's going to change everything in your life. Denn es wird alles in deinem your Leben life verändern. Is going to go. Dein ganzes Leben. Your love, your strength, your hate. Das alte what Leben, you used to value. Was du wert are you getting hast. It? Alles. Amen. Your friends, your plan, your purpose, everything is going to change. Mm-hmm. Alles wird sich verändern. Parce Amen. Que tout va changer quand tu viens vers Jésus-Christ. Ta manière de ce que tu détestais, ce que tu aimais. Tes relations, tout va changer. You know, just like some of us here. Wie einige von uns hier. Comme certains d'entre nous ici. Amen. Amen. Some of us, you know, when we are young, very young, you know, we just plan. Mm-hmm. From 18, university, 19, maybe 19, 20, married, 21, 22, children. You know, we just we have our degree, we have everything. We have, you know, some. They will have their house, car, big job, families. You understand me? For some, it's just traveling everywhere. From one country to another. Einige von uns hatten ihre Träume und Ziele und Wünsche und ihre Zeitpläne, wann sie was haben, wann sie wo sind und was sie mit was sie erreicht haben. Aber bei Christus Jesus, alles verändert sich. Certains d'entre nous avaient certainement des rêves où ils se disaient ouais, avec 18 ans je vais avoir mon bac, je vais commencer mes études, avec 25 ans je vais me marier, je vais avoir mes enfants, j'aurai mon travail, j'aurai ma maison, j'aurai quoi que ce soit, mais tout ça doit changer et a changé à cause de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We plan everything naturally, but we never planned our relationship with Christ. Amen. When we are so young, you know, you plan everything. All the natural things. You are having children, you know, married, you graduate. Now, you know, you have planned everything. Amen. But we just live the greatest. Our relationship with Christ Jesus. Amen. We never dream of it, and we never plan it. Wir haben alles damals, viele von uns haben vieles geplant, ne, wie wir Abschlüsse bekommen, wie wir heiraten, wie wir Jobs anfangen, all diese Dinge. Aber wir haben nie geplant, wie wir Christus Jesus kennenlernen und eine Beziehung mit ihm haben. Das Größte, was es eigentlich gibt, das hatten wir nie auf dem Schirm, dass das uns passieren wird und wie das alles verändern wird. On a beaucoup planifié. On a planifié peut-être ouais, notre vie, comment elle va se dérouler, mais on n'a jamais planifié notre relation avec Jésus-Christ. La plus grande chose qu'on peut avoir a jamais fait part de nos plans. Amen. Amen. All those things you choose, you plan them. Amen. Amen. You cannot compare them to having Christ Jesus. Und all die Dinge, die man damals geplant there's hat, no comparison. Die kannst du nicht vergleichen mit deinem Jesus, kannst du dich vergleichen mit Jesus Christus haben jetzt. Et tous les rêves que tu as eu, toutes les choses que tu as planifiées ou que tu as même accompli n'est pas comparable avec le fait d'avoir Jésus Christ. Es ist unvergleichlich. C'est incomparable. Amen. Amen. It is nothing to compare. You cannot compare them. All those things. Maybe you might have been dead. Buried for long. Amen. You cannot even for you are still alive. There's enjoyment everywhere. You are traveling from one country to another. You cannot compare it to being a son of Christ Jesus. Du kannst all diese Sachen, ob sie jetzt gut oder im Schlechten ausgegangen wären, ob du dann in einer Situation, in einem Beispiel gestorben wärst oder in einem Beispiel, keine Ahnung, reich geworden wärst, egal wie es ausgegangen wäre, du kannst es nicht vergleichen mit der Tatsache, Christus Jesus zu haben, weil das einfach über allem steht. Amen. Avoir Jésus-Christ, c'est la plus grande chose que tu peux avoir. Donc même si tout ce que tu avais prévu, t'as aussi reçu, t'as aussi obtenu. Rien n'est comparable avec le fait d'avoir Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Tu allais même mourir. Tu allais accomplir toutes ces histoires-là, mais mourir aussi. Praise the Lord. Alléluia. So we close with this, please. Amen. Amen.